Jean-Tien de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir à tous, c'est l'Aérospatiale qui commence, votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels dans la ville de Québec. Et c'est Jean-Tien de la France qui est à l'animation pour la prochaine heure avec vous. On va parler d'arts visuels avec d'abord on va parler de vidéos d'art avec Sébastien Hudon que j'ai rencontré cette semaine qui nous parle de cette programmation vidéo qu'il a composée, qu'il a commissariée et qui est visible tous les soirs sur le coin de Cartier et René-Lévesque. Ça s'appelle Nuit solaire et on va en apprendre plus avec le principal intéressé, Sébastien Hudon, qui a choisi tous ces films qui évoquent la nuit, qui évoquent le soleil, les astres et bien d'autres choses. Ensuite, je vais recevoir en entrevue Barthélémy-Antoine Loff, qui est un artiste français qui présente une installation à vue dans le cadre du mois multi. Cette installation se nomme Ljós. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un mot islandais, mais on va en apprendre un peu plus tard à l'émission en compagnie de l'artiste lui-même. Et on va terminer l'émission avec notre chère Audrey Caro qui va venir nous parler d'un projet personnel qu'elle fait en tant que commissaire. Et là, avec l'artiste Thierry Arcan-Bossé, sélectionner des œuvres pour l'exposition Digression qui est présentée actuellement à la Galerie 3. C'est dans le volet Jeune commissaire de Manif d'Or que s'inscrit cette exposition des peintures de Thierry Arcan-Bossé qui est un artiste de Québec. Mais pour l'instant, on va aller découvrir l'ambiance musicale que Simon Roy nous propose cette semaine. Ça se nomme Spectral Dynamics. C'est une musique ambiante très sombre, mystérieuse. En fait, j'ai découvert un nouveau style de musique avec cette proposition-là. Ça s'appelle le Witch House, donc une musique électronique house, en explorant des ambiances mystérieuses qui peuvent rappeler la sorcellerie. Donc, on écoute ça. Et au retour, je vous fais entendre Sébastien Hudon, commissaire de la projection de films expérimentaux Nuit solaire, qui est présenté à l'extérieur au coin de Cartier et René-Lévesque. Thank you. envie de parler avec toi de Nuit solaire. Nuit solaire qui est un ensemble de vidéos d'art que tu as programmées, que tu as commissariées, d'abord pour l'événement Nuit solaire qui était au Musée national des beaux-arts du Québec l'année dernière. Et en ce moment, c'est présenté tous les soirs à l'extérieur, sur le coin de quartier René-Lévesque. Et c'est le thème du soleil de la nuit qui se rencontre en quelque sorte dans cette ligne directrice de commissariat. Oui, tout à fait. En fait, la plupart des œuvres ont un rapport aux astres. Quand j'ai composé la programmation dans son ensemble, j'avais toujours en tête l'idée d'une éclipse. Donc, une nuit solaire appelait automatiquement l'idée justement d'une nuit artificielle causée par une éclipse ou simplement d'une nuit blanche ou d'une nuit prolongée, par exemple, au pôle avec les soleils de minuit, par exemple. Donc, tout ça un peu guidait le choix des œuvres que je faisais, puis le contexte de la projection aussi qui se faisait donc en parallèle ou plutôt dans le cadre de l'événement des Nuits solaires au Musée des beaux-arts du Québec. Donc, je voulais une programmation qui était forte tant visuellement, une présentation qui aurait dans l'espace un déploiement visuel qui pourrait appeler à une texture un peu festive qui fait penser par exemple à la Factory d'Andy Warhol ou quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être la façon un peu facile de le faire, mais les œuvres donc devaient avoir cette qualité-là, mais aussi dans leur conception sonore, devait avoir une qualité particulière au niveau de la musique et de l'ambiance sonore, parce que le contexte de présentation étant une fête, où il y a beaucoup de circulation, il fallait qu'on puisse entrer dans la programmation à tout moment sans être obligé de tout voir. Et si on voyait tout, ben, il fallait pouvoir ressentir ou vraiment suivre une espèce de fil narratif qui relie toutes les œuvres entre elles, puis qui nous permet de passer de l'une à l'autre, puis d'être dans un nouvel univers qui dévoile un créateur et un artiste derrière chacune des œuvres. Donc, pour les 11 œuvres, on fait appel à des artisans, créateurs, des artistes qui ont une pratique indépendante, et que ce soit en vidéo d'art, en cinéma expérimental, ou en vidéo d'animation ou cinéma d'animation. Donc, c'est un peu avec ces paramètres-là que j'ai composé la programmation pour à la fois donner une idée du microcosme, du macrocosme, notre rapport à l'univers et aux astres, et donc, suivant la programmation au musée, les gens de la SDC, Jean-Pierre Bédard, pour ne pas le nommer, nous a approchés en disant on est très intéressés par cette programmation-là, on aimerait la présenter cet hiver en extérieur. Puis en même temps faire un clin d'œil à l'histoire de la bande vidéo où on faisait neige sur neige dans les années 90, et donc on projetait sur un écran de neige. Ça n'a pas été possible cette année, c'est beaucoup beaucoup de logistique, ouais. Et ça aurait coûté trop cher de le faire avec les moyens qu'on nous donnait. On aurait pu le faire de manière artisanale, mais ça aurait été beaucoup plus complexe, surtout au lieu où on était. Bref, il y avait plein de contraintes. Oui, c'est un lieu qui est assez restreint. Hein. Oui, aussi, bon, il y avait tout ça comme contrainte, l'éclairage de rue, il fallait pas qu'on ait trop de contamination. C'est sûr que si on avait... le projet nous a été demandé, donc ça nous a fait plaisir de participer, mais si c'était nous qui avions choisi l'espace, on aurait peut-être choisi un endroit où il y avait un peu moins de lumière, par exemple. Mais moins de lumière, ça veut aussi dire un endroit où il y a moins de gens qui circulent, peut-être. Oui, donc, parce qu'on reste encore dans cette idée des gens de passage qui peuvent s'asseoir, parce qu'il faut le dire, c'est une place, une placette hivernale éphémère avec un foyer, un feu qui peut nous réchauffer, des chaises pour s'installer. Donc, c'est aussi fait pour les gens de passage qui peuvent apprécier une partie de l'œuvre ou l'ensemble, parce que l'ensemble fait quand même une heure, là. Oui, c'est une heure. Ouais. C'est ça. C'est des cycles de une heure. Il y en a 3 qui sont présentés par soir. Ça commence à 6h et ça se termine à 9h. Puis, bon, c'est sûr que quand la température est un peu plus clémente, c'est plus agréable de rester à un endroit comme ça. Les gens vont écouter plusieurs œuvres, mais quand la température et le mercure descend sous les 20 degrés, là, ça commence à être plus difficile de rester en place sur une chaise à regarder une programmation de film. Puis on est conscient de ça aussi. Je pense que la programmation, justement, parce qu'elle avait déjà été conçue de cette façon-là, fonctionne aussi dans ce contexte-là, mais ça aurait pas pu être fait avec autre chose. Je pense que ça aurait été un peu maladroit ou en tout cas ingrat pour les artistes de se retrouver dans une programmation où ils sont même pas certains que les gens vont même voir leur œuvre parce qu'il faut rester du début à la fin pour la voir. Tandis que là, ben, étant donné que c'est un endroit passant aussi et que les gens, dans leur routine, peuvent passer à une heure à peu près sensiblement la même, éventuellement, ils vont peut-être même découvrir un peu toute la programmation sans le vouloir parce que ça roule en boucle. Donc, ça s'adresse à la fois donc aux citadins et aux citoyens qui sont tout près de l'endroit, mais aussi aux gens de passage. Donc, Et aux gens qui vont probablement aller voir les œuvres de Manif d'art, moi, Multi. Donc, on est également dans un moment d'effervescence artistique et de vouloir offrir une très, très grande offre artistique au public. Puis, si on revient à la programmation en tant que telle, il y a 11 vidéos différentes. Les artistes vidéos, est-ce que ce sont tous des Canadiens et Canadiennes? Oui. Oui, c'est ça. Disons que en termes de représentativité, évidemment, on essaie de représenter les artistes locaux, ceux qui sont venus travailler chez nous, oui, qui ont une œuvre bien ancrée dans le milieu de la vidéo, mais aussi après, on étend le cercle au national, donc on a quelques artistes de Montréal comme Sabrina Raté, par exemple, et on est allé aussi au niveau canadien, aller chercher jusqu'à Vancouver des artistes comme Leslie Sopnet, qui a une œuvre extraordinaire dans la programmation. Donc, on a vraiment voulu donner un éventail de créateurs qui avaient travaillé spécifiquement sur cette thématique-là aussi, parce que, bon, aller chercher des artistes ailleurs, ça peut toujours se faire, c'est toujours facile, mais faut-il qu'ils aient travaillé ou qu'ils aient une œuvre dans leur corpus qui se rattache à la thématique. Donc, la thématique nuit solaire, tu disais en début d'entrevue, Sébastien Hudon, qu'il y avait cette volonté d'avoir quelque chose qui puisse être soit apprécié en s'assoyant pour le regarder, mais également de passage. Et puis, il y a vraiment, dans ta sélection, il y a quelque chose où tu as évité, on dirait, les œuvres trop narratives. Mais c'est intéressant ça, parce que ça, c'est un questionnement toujours qu'on a quand on travaille en vidéo expérimentale et en vidéo d'animation, ou même au point de vue de la vidéo d'art, c'est que à partir du moment où on est dans des œuvres narratives, on se rapproche beaucoup de la fiction. Oui. Les œuvres narratives vont bien s'insérer dans une programmation comme ça si elles sont faites en animation, par exemple, parce que souvent c'est des courts-métrages et il faut que ce soit des courts-métrages. Donc c'est pour ça qu'on fait une programmation de ce genre-là, on est toujours plus confortable quand on va chercher des œuvres qui n'ont pas de, aussi non, de narration verbale, parce qu'on veut s'appuyer sur la musique pour se laisser porter dans dans l'œuvre et amener une part de subjectivité de la part de ceux qui regardent et qui sont capables eux-mêmes de se construire une narration et de ressentir l'émotion ou de se laisser porter par leur propre désir, si on veut, de poursuivre l'œuvre et de continuer la programmation, si on veut, parce que étant donné que la musique devient comme justement un fil narratif, c'est un moyen d'entrée. Sinon, il y a les images aussi qui nous permettent justement l'entrechoquement des idées qui passent justement par l'iconographie puis le visuel qui nous permet aussi d'entrer dans l'œuvre. C'est comme faire appel à la fois aux auditifs et aux visuels. Oui. Et en même temps, ben, c'est que l'idée, c'est aussi qu'il faut s'adresser à un grand public. Donc, on ne veut pas perdre personne en route qui trouve que la narration est trop complexe. Ouais. De toute façon, on avait pensé, par exemple, Jocelyne Alloucherie était une œuvre qu'on aurait voulu peut-être mettre. Géométrie, qu'on avait présentée ici dans la galerie, oui, était intéressante parce que justement la lune y apparaît, ou le soleil, là, y apparaît de manière un peu subtile. C'est au moment du crépuscule, puis. Mais la narration était tellement présente qu'à un moment donné, puis c'est une œuvre de 20 minutes aussi. Oui, puis ça prenait une attentivité qui n'était pas nécessairement de l'ordre d'un événement où les gens passent. Et puis, dernière question, on parle de relations entre les sons, les images. Il y a différents rythmes, oui, dans les différentes propositions qui s'enchaînent dans cette, oui, programmation-là de Nuit solaire. Comment tu as réfléchi? Bon, ça commence, moi je l'ai regardé du début à la fin, donc ça commence avec quelque chose de très rythmé, de très saccadé, et puis après on va passer à des ambiances beaucoup plus contemplatives, avec, ouais, des sonorités beaucoup plus douces. Comment tu as réfléchi cet enchaînement-là dans le rythme des vidéos? Je pense que c'est le nerf de la guerre, si on veut, quand on compose une programmation comme ça. Puis tu sais, j'ai des collègues comme par exemple Jason Béliveau, on est toujours dans ces questionnements-là. C'est comment créer un rythme. Puis c'est au cœur même de la pratique. Oui, parce c'est l'art du montage. C'est exactement ça. Bon, c'est un montage sur une heure, mais avec différents artistes, différents créateurs qui ont tous leur place. Puis tu veux pas te retrouver avec deux artistes côte à côte, si on veut, un après l'autre, qui se nuisent. Mm-hmm. Donc, il faut avoir déjà une idée claire de ce qu'on veut faire vivre au spectateur, s'il la suit complètement ou par séquence. Et je pense que il y a quelque chose de très instinctif qui s'explique mal, mais qui fait en sorte qu'à un moment donné, on place les œuvres les unes après les autres, on y réfléchit un peu de manière abstraite, puis on se dit, bon, est-ce que cette œuvre-là serait pas mieux servie d'être un petit peu plus loin? Puis on fait presque toutes les permutations possibles pour arriver à un produit à un moment donné où là, on se dit, c'est ça. Et ça va créer ça comme effet. Moi, je sais que j'ai été touché par l'œuvre de Nicolas Fidala, qui, au départ, faisait très cinématographique, puis j'étais pas certain, je me disais, est-ce que c'est vraiment de l'expérimental, parce qu'on se rapproche de la narration? Oui, on est beaucoup plus... C'est l'œuvre la plus narrative dans l'ensemble. Mais visuellement, et musicalement... c'est d'une puissance. Ouais. Au moment, quand elle arrive dans la programmation au musée, bon, là sur la place Richard Garneau, on est dans un écran qui est un petit peu plus intime, mais au musée, cette œuvre-là, en très grand format, c'était bouleversant. Puis tout de suite après, quand on était passé par cette émotion-là qui était beaucoup. Bon, l'histoire est simple, c'est un couple. On ne sait pas si c'est la fin du monde, mais on a l'impression que le soleil est en train d'exploser ou qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se produire. Puis, puis ça se termine et on ne sait pas. Donc, on est comme sur une note où c'est soit ça va bien se passer, soit ça va mal se passer, mais il va se passer quelque chose. Mm-hmm. Et tout de suite après, j'ai décidé de clore avec Caroline Belzile-Normand, qui justement vient complètement, et là c'était volontaire, faire un contraste avec cette émotion-là qui est quand même assez puissante à la fin de Fidala. On est prêt à quelque chose, puis on arrive avec Caroline. Le trait humoristique qui nous fait tomber dans l'enfance. Oui. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un lien à faire, parce que Caroline, c'est des espèces de petits vaisseaux spatiaux qui finissent par toutes détruire les planètes une à une. Oui. Parce qu'on est quand même dans l'ordre de la fin du monde, d'une inquiétude par rapport à l'avenir de l'humanité ou de notre planète, mais avec un autre registre complètement. Oui, c'est ça. Et donc, on est quand même, puis je trouvais que ça faisait une belle conclusion parce que c'est très bref comme œuvre. Ouais. Puis le fait que ce soit des bruits organiques, oui. Non, on n'est plus de la musique. Des bruits de bouche. C'est ça, complètement. C'est vraiment des bruits de bouche, puis on n'est plus du tout dans une volonté de musicale non plus. Ouais. Là. C'est vraiment juste, on est sur la fin, on conclut. On casse avec tout le reste, puis on finit sur une note un peu plus positive, donc, aussi, un peu plus humoristique. Donc, happy ending. Oui, c'est ça, si on veut. Ben, merci beaucoup, Sébastien, pour cet entretien. Et puis, la programmation se poursuit jusqu'au 3 mars, ouais. Tous les soirs, coin quartier René Lévesque, pour aller voir ça. Alors, c'était la pièce Voices from Within, toujours une sélection de Simon Roy du groupe Spectral Dynamics. Et avant la pause, j'avais envie de vous parler des installations du Mois Multi dont on n'a pas parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé principalement des installations qui étaient dans les espaces centraux d'exposition, c'est-à-dire la salle Multi, le studio d'essai, également le hall de Méduse. Mais il y a d'autres installations qui sont présentées chez différents différents co-diffuseurs, différents partenaires, notamment chez Avatar. Et Avatar, ça se termine en fin de semaine, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler là, avant que ça se termine, pour vous donner la chance de le savoir, puis d'aller voir ça. C'est une installation de Christian Delécluse qui s'intitule « Depuis la nuit suspendue des temps ». C'est une espèce de dispositif avec une pluie qui tombe en continu dans un bassin avec une lumière clignotante de style stroboscope qui va vraiment donner l'impression que les gouttes d'eau sont comme immobiles, sont comme suspendues dans l'espace, dans le temps. Une impression que ça donne vraiment une impression que le temps est arrêté, puis en même temps, dans le bassin d'eau dans lequel les gouttes d'eau tombent, il y a des cymbales qui offrent un son ambiant très, très enveloppant qui vient compléter l'expérience sensorielle de l'œuvre, qui est assez humide également là, comme expérience. Du côté de l'œil, Mathieu Fecteau, Pascal Leblanc-Lavigne et Fred Lebrasseur vont présenter un complément à Infiltration. Donc, dans la petite galerie, il y a une espèce de tour de surveillance où on peut voir des écrans qui vont diffuser en direct des captations des différentes œuvres qui sont installées dans les corridors de Méduse. Et du côté de Regard, on en a glissé un mot la semaine dernière, dans la vitrine, Verena Friedrich présente un dispositif robotique qui fabrique des bulles de savon et qui cherche à rendre la vie de ces bulles la plus longue possible. Et du côté de vue, c'est Barthélémy-Antoine Loff qui présente l'œuvre Lios, je ne sais pas si je le prononce bien, mais au retour de la pause, on va le savoir parce que je reçois l'artiste lui-même pour en parler. Donc, pause publicitaire et au retour, on parle de ce qui se passe à vue dans le cadre du mois multi. C-K-R Elle. Je suis une voix. Je suis un message. Communication et culture. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix culturel Pré-Radiothon offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, comprenant 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave, 2 billets pour la pièce Les choristes et 2 billets pour le spectacle de Tire le coyote. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le mois multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle, de la succursale de Loretteville, vous suggère « Nous sommes là » d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. Et Stéphane, de la succursale de Saint-Roch, vous propose « Felipe, une légende dominicaine » de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. À découvrir sur la fabrique culturelle. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on va vraiment vers lui, ben on laisse un peu de nous à cette personne-là et elle aussi nous donne un peu de ce qu'elle est. Fléchée d'art à la manière de Catherine Lessard. C'est vraiment le plaisir de créer, le plaisir de voir l'idée qu'on a en tête qui se concrétise, mais vraiment sous nos doigts, c'est le cas de le dire, puisque c'est un tissage, tressage au doigt. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. De retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi en studio Barthélémy Antoine Louf et Audrey Caro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Allô. Et Barthélémy, comme je le disais avant la pause, tu exposes une installation intitulée LIOS à vue dans le cadre du mois multi. Et j'ai fait une petite recherche. LIOS, ça veut dire lumière en islandais. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et pourquoi avoir choisi l'islandais pour le titre de l'œuvre? J'ai une attirance pour les pays nordiques, et notamment l'Islande, qui a quand même la particularité d'être une île très vivante du point de vue géologique, du point de vue des aurores boréales, de tout le fantastique ou du tout le merveilleux qu'on pourrait projeter en fait sur cette île-là, et qui a aussi la particularité d'être finalement plongée dans le noir une bonne partie de l'année. Donc la lumière, le noir. Et donc c'est une particularité qu'elle partage avec ton installation que tu présentes à vue. On entre dans la petite galerie de vue, on est complètement plongé dans le noir. Au début, on perd nos repères, ensuite évidemment les yeux s'habituent. Et on peut distinguer deux éléments géométriques luminescents qui sont sous deux cloches de verre, avec une espèce de phénomène lumineux assez complexe qui vient les animer d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui vient donner lumière à ces objets-là? Ben, en fait, c'est des cristaux de lumière finalement qui flottent à l'intérieur de leur prison de verre. Et ils sont deux dans l'espace, et il y a une espèce de balai de lumière qui vient petit à petit les animer, qui vient créer un dialogue, et une sorte d'équilibre finalement lumineux entre ces deux prismes qui flottent sous leur prison de verre. Et ce dialogue se fait de manière lumineuse, mais également avec différents sons. Avec un rythme également, on va passer de rythmes plus lents, plus contemplatifs, à des rythmes plus saccadés. Comment c'est réfléchi ce dialogue-là, cette espèce de narrativité lumineuse et sonore dans cette œuvre LIOS? Il y a une part d'écriture générative, donc il y a une part de hasard finalement dans cette écriture pour retrouver la sensation qu'on a face à la contemplation d'un feu, par exemple, le crépitement. La lumière. L'idée de l'installation est basée sur un cycle. Donc on a des cycles qui recommencent et qui reviennent, un petit peu comme les saisons qui passent. Mais je ne voulais pas être sur quelque chose de figé dans le temps, ou en tout cas de figé dans la répétition. Et donc j'ai donné un espèce de comportement génératif à ce dialogue. Donc effectivement, il y a des comportements qui changent, il y a des rythmes qui changent, qui se construisent, qui sont basés sur un phénomène d'excitation. Après c'est de l'algorithme, donc c'est mathématique, mais l'idée c'était de redonner quelque chose de très organique à la pièce et pas d'être dans quelque chose de très froid, très numérique. Donc il y a une certaine indépendance, elles finissent par vivre d'elles-mêmes dans ces algorithmes, dans cette générativité. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et on parle de prismes qui sont luminescents par une lumière qui réfléchit dessus, mais la matière dont sont faits ces prismes-là donne une particularité aussi à la lumière. C'est comme une espèce de papier iridescent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce matériel-là? Pourquoi il a été choisi et comment? Il y a une question assez forte de fragilité dans la pièce. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de renvoyer finalement cette fragilité extrême, comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement précieux à l'intérieur de la cloche, et en même temps quelque chose qui semble vivre par lui-même par la lumière. Et le matériau que j'ai trouvé le plus simple à travailler, c'est le papier, qui n'est pas particulièrement précieux en soi, mais le mettre dans cette disposition-là et lui donner ce côté très lumineux, puisque c'est du papier calque, donc ça va se charger en lumière. Il a une couche légèrement iridisée dessus, comme un petit peu plastifiée, donne ce côté un petit peu holographique. Donc on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de regarder finalement. Il y a un jeu d'illusion. Hein. De toute façon, la pièce, c'est une question d'illusion, et c'est le regardeur qui va se créer après sa propre illusion quand il rentre dans l'espace. Oui, une illusion parce que on parle de ces formes, de ces prismes qui sont sous une cloche de verre, et le fait qu'ils soient sous une cloche de verre, ça crée une espèce de petit fantôme au-dessus, en quelque sorte un double de chacun des éléments là. Et il y a quelque chose donc on parlait d'autonomie, de leur donner vie puis de leur donner une espèce d'autonomie, mais aussi quelque chose de très mystérieux là, ça devient insaisissable, la lumière dans ce cas-là. En fait, la pièce travaille sur un phénomène de processus de transformation de la lumière, puisque la lumière, elle est générée par un vidéoprojecteur, hein, mmh. techniquement, donc elle est très très numérique. Au contact de ces prismes qui sont enfermés dans leur cloche, ça donne un aspect beaucoup plus organique à la pièce, voire analogique, qui est pas sans rappeler finalement l'ampoule incandescente. Et avant de repartir dans l'espace, puisque c'est un rebond de lumière, tout ça c'est un jeu de rebond de lumière, elle devient lumière naturelle et devient presque lumière céleste, puisqu'une une trace de lumière va s'inscrire sur le mur derrière le dispositif lumineux, qui est pas sans rappeler une aurore boréale. On pense bien évidemment aux aurores boréales par ces réflexions de lumière qui viennent se projeter sur les murs. Et dans ta pratique, tu t'inspires beaucoup des éléments naturels, tout en générant des œuvres qui sont entièrement artificielles, mais qui cherchent à revenir au naturel en quelque sorte. Il y a comme une espèce d'équilibre que tu cherches dans ce contraste-là. Oui, il y a un équilibre, et puis il y a aussi la question de finalement presque maintenir en vie artificiellement des phénomènes qui sont soit en train de disparaître, soit rares, soit tout simplement en train de mourir. Dans le cas d'une aurore boréale, c'est relativement rare si on lève pas les yeux au ciel. Mm-hmm. Dans le cas d'un magma ancestral, parce que j'ai une autre pièce qui parle du magma, c'est lui redonner vie de manière infinie. Donc il y a cette question effectivement de maintenir en vie artificiellement par le biais du numérique des phénomènes qui ne sont pas numériques et qui ne sont pas artificiels à la base. Mais merci beaucoup Barthélémy Antoine Louf d'être venu pour cette entrevue à propos de ton exposition Lios, qui est présentement en exposition à vue et qui se poursuit jusqu'au 21 avril. Et nous, on part pour une petite pause musicale, et au retour, c'est Audrey qui nous parle d'une exposition. Bonsoir, Audrey Caro. Hey, bonsoir, Gentiane. Tu es ici à titre personnel, comme je le disais, parce que tu as été commissaire pour l'exposition de Thierry Arcambossé qui est présentée actuellement à la Galerie 3. C'est dans le volet « Jeune commissaire » de Manif d'art 9. Et Thierry, qui est un artiste de la galerie, qui est un artiste qui est actif à Québec là, depuis déjà 15-20 ans, je crois. Oui, tout à fait. On l'a déjà reçu plusieurs fois ici à l'émission par le passé ensemble, Gentiane. On en avait déjà parlé. Mais oui, Thierry, c'est une figure bien connue et marquante de Québec. Puis on a le plaisir de le représenter à la Galerie 3. Puis quand est venue l'idée d'inclure ma participation comme jeune commissaire, on a réfléchi à la galerie. On a eu un petit changement d'horaire. Finalement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas placer Thierry à ce moment-là? Il devait être plutôt en janvier. Puis on a dit, tiens, ça va bien adonner avec le thème de Manif qui est sur notre rapport à la nature, finalement. Mm-hmm. Et puis, que sa production récente est tout à fait en lien avec ces réflexions-là, justement. Et donc, le titre de l'exposition, c'est « Digression ». Digression, oui, exactement, oui. Digression, oui. Excusez. Puis, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? À vrai dire, si j'y vais peut-être plus pour décrire aussi cet esprit, à vrai dire, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Parce que Thierry, à vrai dire, m'a pas beaucoup détaillé ce titre, mais bon, est-ce que les œuvres qu'on a là, c'est vraiment intéressant parce que on va trouver un rapport entre la grande tradition picturale du paysage. Vous savez, ces grands paysages qu'on pouvait voir à l'époque romantique, les Turner, le sublime, bref, mm-hmm. tous ces beaux paysages que différents courants artistiques nous ont montrés. Il y a ça, mais Thierry les réactualise en trouvant une source numérique très, très ancré dans le 21e siècle. Ce sont des œuvres qui sont soit inspirées de webcams, d'images de webcams qu'il a glanées sur le web, gratuit, parce que si vous faites des petites recherches, on peut accéder à toutes sortes de webcams gratuits, notamment, je vous donne un exemple, on veut aller voir les conditions Mont-Saint-Anne ici à Québec, il y a une webcam qui nous donne vue. Oui, je pense qu'il y en a une là-dessus. Sur les ponts exactement, aussi, pour voir la circulation. Exactement, oui, c'est ça, il y en a vraiment partout qui sont placés, puis c'est comme c'est un glaneur d'images, chérie, à la base, sa pratique, c'est sur l'appropriation. On le sait, il s'est approprié des images du cinéma, mais les réinterprète, des images personnelles aussi, ou d'autres, toutes sortes d'images glanées sur le web. Et puis là, il s'est intéressé à cette source-là infinie des webcams. Puis dans les webcams, il faut dire, c'est souvent des images assez banales. Oui, qui sont oui, là. Tout à fait. Qu'on voit. C'est pas des événements, c'est comme c'est le temps qui passe à un c'est lieu. C'est le temps qui passe dans un lieu donné. Puis il y a toutes sortes de raisons aussi pourquoi on place des webcams, mais généralement, c'est pas tant pour l'émerveillement qu'on va avoir au bout de cette image-là. Donc, lui, en les réinterprétant, en les mettant dans le contexte de la peinture traditionnelle, si on peut dire, la peinture à l'huile, il essaye de ramener, si on peut dire, une certaine émotion, faire ressortir quelque chose de beau, finalement, au bout de la ligne, une sensibilité qui n'était pas à la base là, mais qui va de pair avec la peinture de paysage, la grande tradition de la peinture de paysage. Donc, il y a aussi une exploration des manières dont la technologie va représenter le réel, dont notre rapport à la réalité est changé à l'ère d'une accessibilité, d'une mondialisation des images là, dans ce travail-là. Oui, puis notre rapport à l'image tout court, parce que finalement, c'est intéressant, l'espèce de paradoxe qui se crée dans cette présentation-là, de dire, finalement, on a une image qui provient d'une instantanéité, finalement. C'est une capture d'image qu'il a faite d'un moment précis, mm-hmm. mais qui est tout à fait rapide, qui est en continu, ça. Mais mm-hmm. qui est dans l'instantanéité. Et pour lui, pour travailler une image après ça à la peinture à l'huile, c'est extrêmement long, c'est lent. Donc, on est dans un paradoxe qui est très intéressant aussi ici. Il y a ce rapport-là aussi à la vérité de l'image qu'on retrouve sur le web. Une photo, on a toujours plus l'impression que c'est vrai que une peinture où on le sait que c'est une composition souvent qui est là. Et il vient jouer sur cet aspect-là parce que, tu sais, c'est pas un copiste, là. Il ne fait pas juste arriver puis prendre une image puis dire, tiens, je vais la recopier. Mais il s'en sert, c'est une source, mais il vient jouer, par exemple, avec des effets lumineux, donner des choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait là, mais aussi traduire certains éléments qu'on voit à l'origine aussi dans la webcam. Donc, c'est un mélange à la fois de vérité, mais aussi de construction qui nous remet en question ici, parce que je dis ça, c'est que plusieurs des paysages, on va retrouver la date, l'heure ou le lieu, comme une webcam qu'on va voir sur le web, donc qui est accolée à l'image, à la peinture, au tableau aussi. Fait qu'il y a cet élément-là qui est intéressant, qui des fois vient un peu transformer notre perception aussi de ce paysage-là. Et donc, cette apposition de la date ou du lieu sur la peinture vient nous ramener à son origine, la webcam. Mais l'affirmation du médium peinture a toujours été très, très présente dans le travail de Thierry Arcand-Bossé. Comment on va retrouver cette affirmation-là dans sa production récente qu'on retrouve dans l'exposition Digression? À vrai dire, Thierry a tellement une technique aussi qui est reconnaissable, hein, ce travail. Moi, j'ai toujours dit que c'était le maître du flou, parce que bien que c'est une peinture très figurative, ça reste pas, c'est pas hyper réaliste dans le rendu aussi. Quoi qu'il y en ait une qui est quand même de loin et vraiment frappante, marquante par son réalisme. Mais je veux dire, quand on s'en approche, on sent pas les coups de pinceau nécessairement, parce que justement, on est toujours dans ce travail un peu flou. Les formes sont pas nécessairement définies au couteau non plus. Mais on le sent que c'est de la peinture aussi qui est là, qui est marquante. Donc, il y a ce jeu-là aussi qui est intéressant, parce qu'on sent la matière picturale en même temps, bien qu'on n'est pas dans l'épaisseur, là, mais plutôt dans le travail minutieux et technique de cette peinture-là. Et pour cette exposition-là, Audrey Carreau, toi, tu es commissaire, Thierry Arcand-Bossé est l'artiste. Vous avez travaillé en collaboration sélectionner les œuvres. Qu'est-ce que tu cherchais, qu'est-ce que vous cherchiez pour élaborer ce corpus-là qui est présenté en galerie? Bien, c'est intéressant, parce que on a parlé beaucoup des paysages de webcam ici, Thierry, mais il y a une autre série que pour lui est un peu indissociable des études chromatiques, écrans qui finissent en écran de veille, parce qu'il faut dire, Thierry fonctionne aussi à la manière des peintres d'autrefois, en travaillant avec des études, de là aussi le rapport. La question précédente aussi, c'est qu'il prépare beaucoup par des petites études, et ces écrans de veille-là, donc, c'est des dégradés de couleurs. Puis Thierry, quand il faisait ses recherches sur le web, à un moment donné, ben, son écran tombe en veille, et il a été frappé par le mouvement, vous savez, les Mac, il y a cette espèce de faisceau lumineux plein de couleurs qui se promène. Ben, il a été marqué par ça aussi. Et c'est intéressant, parce que finalement, là, on est dans un paysage qui est tout à fait sorti de ses standards habituels, de ses éléments, donc, de représentation. Mais là, on est dans un paysage de couleurs. Finalement, c'est réduit à sa plus simple expression de la couleur. Mais ça reste que la source est numérique aussi. Donc, il y a ça. Fait qu'il y a un beau rapport aussi à la peinture abstraite, qui est réactualisée à l'ère du numérique aussi. Mais, dans le fond, pour revenir, comment on a sélectionné ça? Mais on voulait faire des rapprochements entre ces deux éléments-là, qui sont pour lui indissociables, comme à son travail, les deux s'entremêlent à un moment donné aussi. Puis, quand on a fait l'accrochage, on a voulu un peu déceler ces éléments-là, que faire se rapprocher ces éléments-là, dont une en particulier que je les trouve indissociables, parce qu'on a cette espèce de paysage autoroutier avec un panneau lumineux, avec ces fameuses écritures oranges là, lumineuses qui ressortent. Puis à côté, j'ai mis une étude chromatique où c'est un dégradé qui passe du orange au bleu plutôt assez foncé aussi. Donc, comme pour moi, qui était en quelque sorte aussi un agrandissement d'un détail de cette œuvre-là aussi. Donc, ces rapprochements-là, ces choix-là se sont faits aussi de pair en discutant, Thierry et moi ensemble, de dire qu'on ne voulait pas non plus présenter qu'une section paysage puis une section études chromatiques, donc d'écran de veille. Enfin, on a voulu faire un certain mélange puis une cohésion aussi, des rapprochements de couleurs en même temps entre les œuvres. Donc, une espèce de dialogue. De dialogue, qui s'installe entre des œuvres qui ne sont pas nécessairement a priori similaires. Exact, qui peuvent nous apparaître différentes, d'un corpus différent, oui. Mais merci beaucoup, Audrey Caro, d'être venue nous parler de cette exposition Digression de Thierry Arcambossé qui est présentée à la Galerie 3. Et c'est présenté jusqu'à quelle date? Ça va être présenté jusqu'au 17 mars. C'est bon, jusqu'au 17 mars pour aller voir cette expo. Je ne l'ai pas vue encore, donc moi aussi, je vais me déplacer pour aller voir ça avec bonheur. Et nous, on va écouter la pièce 2021, toujours de Spectral Dynamics. Et au retour, je vais vous parler de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine à Québec. Beaucoup d'événements dans le monde des arts visuels à Québec cette semaine. D'abord, demain, c'est le vernissage à partir de 17h30 de l'expo de banlieue de Cassandra Graham. C'est à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval, donc au local 2470. Également, la première rencontre du comité Arts, Discussions et Questions va se tenir à partir de 18h30, demain toujours, au Café Maelstrom. Donc, une belle occasion de se rencontrer entre artistes et autres pour parler d'art de manière très, très libre. C'est vraiment un concept qui est libre et c'est la première fois. Un peu de nouveauté dans le monde des arts visuels. C'est aussi le Mars de la maîtrise qui commence du 1er mars au 3 mars aux ateliers du roulement à billes sur la rue Sainte-Hélène. Beaucoup, beaucoup d'événements pour ce lancement de cet événement annuel pour découvrir la production des jeunes artistes qui sont actuellement la maîtrise en art. C'est la sortie de résidence de Clémentine Mélois et Marc-Antoine Faneuf à la Maison de la littérature, ce vendredi à 18h. Il va également y avoir le vernissage d'Antoine Lortie samedi à la Galerie A. Et samedi aussi, c'est une initiation à la production assistée par ordinateur qui est offerte à la Chambre Blanche à 13h. À partir de 14h, il va y avoir un atelier d'exploration de la technique du moulage avec Marie-Fauve Bélanger. C'est offert dans le cadre de l'exposition Paysages Fragments à la maison Tessier dit La Plante. Et samedi, il va y avoir une performance de la pianiste Belinda Campbell autour de l'œuvre Piano-tissage de Philippe Lausier pour clore le mois multi. Et à 17h, lancement de livre L'effondrement, compte rendu, toujours à la salle multi. Et mercredi de la semaine prochaine, il va y avoir une conférence midi de Judith Dubard à la Maison des métiers d'art de Québec. Ça s'appelle Matière hybride et c'est à partir de midi. Et c'est la dernière semaine pour aller voir les installations du mois multi dans les espaces d'exposition centraux et à Avatar. Et c'est également jusqu'à dimanche que vous pourrez aller voir la projection Nuit solaire dont on parlait avec Sébastien Hudon en tout début d'émission. C'est ainsi que se termine cette émission de l'aérospatiale. J'aimerais remercier nos invités cette semaine, Sébastien Hudon, Barthélémy Antoine Louf et Audrey Carreau. Merci à Jacques Gignac, le Joseph Boyce de la console. Et merci à Simon Roy pour l'ambiance musicale de l'émission. Restez à l'écoute parce que de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais et son équipe qui vont vous parler cinéma avec l'émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 $ avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Du 16 février au 21 avril, Manif d'art neuf, la Biennale de Québec, se déploie sous la thématique « Si petit entre les étoiles, si grand contre le ciel ». Découvrez le meilleur de l'art contemporain dans une multitude d'expositions, parmi lesquelles « Paysages fragments » sous le commissariat d'Anne-Sophie Blanchet à la Maison Tessier dit La Plante et « Témoin », un projet de Anne Damour McDonald et Julien Saint-Georges Tremblay, éclaté dans plusieurs bibliothèques de Québec. La relève à Manif d'art neuf, des œuvres scintillantes. À découvrir cet hiver au Palais Montcalm, Maison de la musique, les plus grands airs du Roi du Calypso avec We Love Belafonte par Florence K, David Miles et plusieurs autres, le 8 mars. Le Transparent Water Trio avec le pianiste Omar Sessa et le joueur de cora Sekou Keita, le 13 mars. Cordam présente Debussy Impression, un concert inspiré par le célèbre compositeur français Claude Debussy, le 22 mars. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale de Loretteville vous suggère Nous sommes là d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. Et Stéphane de la succursale de Saint-Roch vous propose Felipe, une légende dominicaine de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres.